Moi, c'est Émilie, je suis diététicienne nutritionniste et à travers ce podcast, je vais aborder vos histoires de poids. C'est une thématique qui nous rassemble tous. Nous serons tous confrontés de façon plus ou moins importante à des variations de poids au cours de notre vie. Ce podcast, Raconte-moi ton poids, est une façon de vous laisser la parole sur vos expériences de poids. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans ces histoires et j'espère que cela apaisera le rapport que vous avez aujourd'hui avec votre corps. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie qui va nous raconter comment son poids a évolué au cours de sa vie. Quand la première prise de poids débute à 5 ans, qu'à 11 ans elle pesait 67 kg et qu'un jour la balance annonçait un poids de 125 kg. Elle va nous raconter son parcours de sleeve et comment a-t-elle fait pour retrouver son équilibre quand celui-ci l'a beaucoup fait souffrir. Pour plus de facilité et d'intimité, est-ce que l'on peut se tutoyer ? Bien sûr. Je vais te laisser te présenter, me donner ton âge, ta profession et quel est ton poids aujourd'hui ? Alors, je suis Stéphanie, j'ai 40 ans, je travaille à l'hôpital et je fais actuellement un poids de 57-58 kilos. Ça peut varier un petit peu. Je vais maintenant te laisser raconter l'histoire de ton poids. Alors, moi, je suis née en 1984 vers mes 3 ans à peu près, mes parents ont divorcé. Je pense que ça a un peu engendré mes difficultés au niveau de mon poids, ma prise de poids en tout cas. Parce qu'à l'âge de mes 5 ans, j'ai fait la rencontre de la femme de mon papa, qui était plutôt très très sévère avec moi et qui m'a tout de suite donné une alimentation très très stricte par rapport à ses enfants à elle. Donc avec une différence que moi j'arrivais à percevoir du haut de mes 5 ans. Et à contrario, du côté de ma maman, là j'avais porte ouverte sur tout ce qui était bonbons, gâteaux, voilà. Cette alimentation, elle était justifiée à ce moment-là ? J'étais une petite fille un peu rondelette, on va dire, comme beaucoup d'enfants de cet âge-là. Et c'est vrai que la femme de mon papa n'aimait pas forcément les rondeurs. Voilà, venant d'une famille paternelle où on a tendance aussi à avoir des prédispositions à être en surpoids, elle ne voulait pas que je sois comme mes oncles et tantes et cousines, etc. Donc elle m'a mise un peu au régime forcé depuis toute petite. Donc du coup, voilà, à l'âge de, oui, vers 7 ans, il me semble, elle a commencé à voilà, bien faire des... moi j'avais des yaourts nature, les autres avaient des glaces, j'avais pas le droit au pain, enfin... Des restrictions quand même. Des restrictions très très dures pour une enfant de si petite qui finalement comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit de manger comme les autres. Et donc bah du coup quand moi j'étais chez ma maman, forcément je me rattrapais un petit peu. Ouais, c'était un peu la joie d'être, d'avoir open bar un peu à tout au niveau alimentaire chez maman. Ouais, et puis limite aussi l'incompréhension en fait. Du coup, la petite vengeance, quoi. La petite vengeance de, bah, tu me donnes pas, bah, moi, je vais prendre ailleurs. Donc, c'était un peu ça. Puis, vers 11 ans, donc, c'était au collège, on a eu la visite de l'infirmière scolaire qui a fait son petit check, et voilà, et qui clairement m'a dit que j'étais en très gros surpoids pour mon âge, pour ma taille. Donc, je faisais... 1m50, 67 kg. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait aussi des phrases qui n'étaient pas forcément terribles à dire quand on commence à être ado. Du style regarde comment tu vas finir comme moi. Regarde, je suis grosse, tu finiras comme ça. Bon. Compliqué à entendre. Compliqué à entendre parce que, en plus, j'étais pas la seule dans cette situation-là à cette époque-là. C'est vrai que le surpoids a commencé un petit peu, beaucoup, je trouve, dans mes années de collège, où il y a eu beaucoup de personnes en surpoids. Et puis, j'avais déjà pas une image forcément positive de mon corps pour qu'elle en ajoute un peu plus. Donc, ça m'a pas aidée. Ouais. Déjà, à 11 ans, le rapport à ton corps était plutôt compliqué. Oui. Comment tu décrivais un peu les choses ? Enfin, comment tu décrirais aujourd'hui les choses ? Ah, j'aimais pas mon corps. Donc du coup, les enfants, à cet âge-là, on est quand même très pas sympa. Enfin, on n'est pas sympa. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de raillerie, de... Oui, on se moquait beaucoup de moi. Et puis, bah, finalement, j'ai essayé de développer autre chose pour essayer de passer un peu dans la masse comme ça. Donc, avec l'humour, tout ça. J'ai essayé de... Ça marchait plutôt bien. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, je suis allée voir une première diététicienne, il me semble, la même année, vers mes 11 ans. Comment ça s'est passé ? Pas bien. Pas bien du tout. Donc, bah, les mêmes reproches un petit peu. Il fallait que je fasse mon plan de menu sur une semaine. Et puis, bah, forcément, moi, je suis honnête. Je marque ce que je mange et je me suis fait... fâchée quand je suis retournée la voir parce que bah, c'était pas équilibré. Mais bon, si je venais la voir, c'est que j'avais un souci d'équilibrage. T'avais besoin de son aide et t'as pas eu l'impression qu'elle t'a aidée comme toi, ce que tu recherchais ? Non, pas du tout. Elle m'a pas donné confiance en moi, du coup, bah, je suis pas retournée la voir. Du coup, dans l'initiative, c'est ton papa, ta maman qui t'a emmenée chez la diététicienne C'est ma maman, okay. Du coup. Okay. Parce que ma maman était quand même... un peu ambivalente dans ce qu'elle faisait, parce qu'elle me nourrissait essentiellement de choses sucrées, grasses, etc., mais me pointait du doigt parce que je mangeais pas équilibré. D'accord. Donc c'était un peu compliqué. C'est, voilà, je pense à un rapport à la nourriture qui est un peu compliqué aussi. Chez ton papa, à ce moment-là, il y avait toujours le même comportement, ta belle-mère qui te mettait toujours de côté d'un point de vue nourriture Toujours. Du coup, voilà, ça a aussi engendré le fait que ce soit pareil du côté paternel. Donc mes grands-parents, donc, bah, pareil, ils faisaient pareil que la femme de mon père. Donc c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Ouais, j'imagine. Et donc bah, à 14 ans, bah, on commence à être un peu plus ado et puis on commence à vouloir un peu plaire aussi. Et puis on se dit que bah, là, il faut faire quelque chose. Donc... Et ben on tente tout, on tente les régimes de la grand-mère à base de steak tous les jours, les régimes choux, les régimes pâtes, que des pâtes, okay. Que des soupes. Et tu faisais ça sur combien de temps ? Oh, j'ai dû faire ça jusqu'au lycée. Tes parents cautionnaient ça ? Oui. Pour eux c'était quoi ? C'était une façon de te prendre en main ? Ma mère trouvait ça bien. Je trouvais ça ouais, vraiment chouette, tous ces régimes un peu innovants. Ça marchait bien, ça marchait sur la grand-mère, donc forcément, ça va marcher sur moi. Bah, ça a marché, parce que j'ai perdu pas mal de kilos. Tu te rappelles à peu près combien ? Oh, j'ai dû perdre, je pense, 15 kilos, il me semble, quand j'étais en troisième. D'accord. En l'année de ma troisième. Et tu t'es sentie mieux physiquement ? J'ai pas vu la différence. Toujours un peu compliqué dans ce rapport aux autres ? Oui. Non, je me suis pas vue. En fait, je l'ai vue par rapport à mes vêtements, finalement. Bah là, ils étaient trop grands, du coup. Donc, j'ai continué comme ça jusqu'au lycée. Le lycée s'est passé comment, du coup ? Bon, plutôt bien. Plutôt, voilà. J'étais toujours un peu en surpoids, mais j'avais tendance à me stabiliser, quoi. Je mangeais pas forcément bien, mais il y avait des petites périodes où j'arrivais un peu à éviter un peu les grosses prises de poids. Quoi. Au sein de cette période de lycée, est-ce que tu trouvais ta place auprès des autres par rapport à ton corps ? Comment tu te sentais à ce moment ? Alors, j'ai toujours trouvé ma place par rapport aux autres. Le corps, en fait, je l'ai totalement oublié. C'était deux personnes différentes. C'était moi, il y avait moi, et puis il y avait Stéphanie physiquement. D'accord. Voilà. C'était une façon de te protéger ? Je pense, oui, je pense. Alors après, j'ai rencontré assez tôt le papa de mes enfants. J'avais 19 ans, j'étais en surpoids, mais ça se passait bien. Après, c'est vrai qu'on a quand même bien profité. On est sortis beaucoup, on a fait beaucoup de restos. On a vécu quoi, et bon. Et donc oui, là, c'est vrai que j'ai pas forcément fait attention. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Tu saurais dire à peu près combien ? Peut-être, j'ai peut-être... Je suis arrivée, je crois... Alors moi, j'arrive pas trop à parler en termes de quantité de poids, mais plus en poids visuel sur la balance, où il me semble que c'était plus dans les 79 kilos. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, la grande mode, c'était le régime du camp. Ok. Donc j'ai fait le régime du camp, évidemment. Et j'ai perdu 17 kilos. Comment tu l'as vécu, ce régime ? Ah bah c'était chouette parce que bah, tous les jours je perdais du poids. Tous les jours je perdais du poids et c'était facile. c'était facile. Pardon, par rapport à d'autres choses que tu as connues, c'était moins contraignant. Oui, parce que finalement, les protéines, j'aime bien. Moins maintenant, mais j'aimais bien ça, mais c'était plus pour moi, pas le fait de mieux manger, mais le fait d'ingérer de la quantité. C'était presque à volonté, tu pouvais y aller et ça, ça te plaisait. C'était à volonté. Donc, à l'époque, c'était ça. C'était, il me fallait... En gros, c'est un peu grossier, comment je vais dire ça, mais il fallait que je me sente pleine. Voilà. C'était rassurant pour toi ? Qu'est-ce que ça te procurait ? Oui, je pense quelque chose de rassurant, comme un frigo plein. Voilà. Okay. C'est ça, donc c'était rassurant. Puis ensuite, j'ai eu mon premier enfant à 27 ans. D'accord. Pas de grosse prise de poids dans l'immédiat, jusqu'aux 4 mois de grossesse, j'avais pris 3 kilos, je crois. Donc une prise totalement classique. Enfin... Une prise normale. Ouais. Et là, mon papa est décédé. Donc c'était très violent j'ai pris une trentaine de kilos les 5 derniers mois restants. Et encore, je ne me suis pas pesée, je crois, le dernier mois de ma grossesse. D'accord. Comment tu as vécu cette prise de poids ? Détachée, encore. C'était pas moi, c'était l'autre moi, en fait, un peu. Toi, ta Stéphanie interne allait très bien, vivait sa grossesse. Enfin, il y a eu cet événement compliqué, mais outre ça, ça allait. Oui, ça allait. Et puis tout le monde me disait que finalement, j'étais bien comme ça, quoi. Et du coup, cette prise de poids, tu sais dû à quoi aller ? Tu t'es réfugiée dans la nourriture ? Comment ça s'est passé ? Alors, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma grossesse. Okay. Où je pense que je me suis un petit peu mise dans ma bulle avec mon bébé et j'ai un peu squeezé tout ce qui se passait à côté. Je ne saurais même pas dire si j'ai mangé plus qu'avant. Donc ouais, du coup, une prise d'une trentaine de kilos, c'est ça à peu près ? Plus 35. Plus 35, ok. Voilà. Et puis, ensuite, il me restait... J'ai pas tout perdu, hein. J'ai retenté quand même du camp. D'accord. Ça n'a pas marché. Voilà, c'est les protéines. Au bout d'un moment, ça... Trop de protéines, ça fait mal à la tête. Et je commençais à avoir un peu mal aux reins aussi. Ok. Voilà, donc... T'avais été alertée par des médecins ou c'est juste toi qui avais fait cette petite analyse-là ? Alors, moi, j'avais vu aussi après, sur Internet les effets secondaires de cette méthode-là. Mais bon, je me suis dit oui, effectivement, là, c'est vrai que ça te rappelle, Stéphanie, ça, t'as mal aux reins, voilà. Donc, puis je perdais pas. Oui, puis le but, du coup, c'était pas non plus de t'abîmer la santé. Voilà. Donc, j'ai arrêté. Je sais plus combien je faisais. Je pense que j'avais dû perdre peut-être la moitié de ce que j'avais pris. D'accord. Donc, à peu près, une quinzaine de kilos. Voilà, et puis vite après est arrivée la grossesse pour ma fille, donc ils ont 2 ans d'écart, d'accord. Donc ça fait vraiment des grossesses rapprochées. Là pareil, j'appréhendais un peu le moment des 4 mois où je me suis dit il va se passer quelque chose, effectivement ma cousine est décédée, ma grand-mère aussi, okay. Je me suis dit le schéma se répète, donc c'était reparti quoi, j'ai pris... Je pense que j'ai pris au moins 40 kilos. Même schéma, en fait, que la première grossesse, d'un point de vue poids, en fait, tu as eu ces déclenchements à ces 4 mois. Et du coup, le poids a augmenté du coup, plutôt de façon importante sur ta fin de grossesse. C'est ça. Ok. Je pense que oui, c'était psychologiquement, je pense que je me suis réfugiée. Oui, et puis là, clairement, vu ces gros épisodes qui se sont passés dans ta vie perso à ce moment-là où... T'as le bonheur d'avoir un enfant et à côté de ça, tu perds du monde. Enfin, c'est hyper compliqué de gérer tout. Et je pense que émotionnellement, ça a dû... l'alimentation a été peut-être réconfort aussi. Réconfort parce que du coup, moi, je ne m'autorisais pas à être malheureuse. Parce qu'en fait, j'étais enceinte. Parce que tout le monde était malheureux de me savoir enceinte et d'avoir perdu des proches. Du coup, je me disais, moi, je ne peux pas être... aussi triste, en fait, pour eux aussi. Donc, quelque part, j'arrivais à maîtriser ça, ce côté-là. Du coup, je pense que la nourriture, j'arrivais plus à la maîtriser ailleurs. Enfin, c'était compliqué de maîtriser tout. Tu ne pouvais pas être sur tous les fronts en même temps. Donc là, du coup, y a eu ces 2 grossesses consécutives, ces 2 prises de poids. T'en étais où à la suite de tout ça ? Eh bien, ensuite, on m'a décelé un problème au niveau de la thyroïde. Je grossissais de semaine en semaine, en fait. Et effectivement, oui, j'avais un goitre au niveau de la thyroïde, donc j'avais plusieurs nodules. On a dû tout me retirer, la thyroïde, et du coup, supplémenter en traitement thyroïdien. Et pour doser le traitement, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années même. Ça met du temps, effectivement, chez certaines personnes. Si vous avez des problèmes de thyroïde, vous devez savoir de quoi on parle. Mais effectivement, pour les personnes qui ne connaissent pas, la thyroïde régule beaucoup de choses au niveau de notre corps. Et souvent, de restabiliser et de retrouver vraiment le dosage parfait, ça peut mettre quelques temps, effectivement. Durant toute cette période de stabilisation de ta thyroïde, tu as pris du poids au fur et à mesure du temps? Oui, j'ai pris en 4 ans, ça a duré 4 ans, hein, la stabilisation de mon traitement thyroïde. En 4 ans, j'ai pris énormément de poids, énormément. Ça ne vient pas du fait que du traitement. Hein. Je sais que j'avais une alimentation pas du tout saine, pas équilibrée. Et en plus, j'étais un peu plus focus sur mes enfants. Donc, je me donnais des fausses bonnes raisons de ne pas prendre soin de moi. Du coup, le médecin traitant qui me suit depuis toujours, a quand même décelé mon mal-être et m'a parlé de cette opération qui, c'était pas, je pense pas que ça, c'était pas si répandu que ça, il me semble. C'est vrai que depuis quelques années, les chirurgies bariatriques en général sont assez développées. Pour certains, des fois, c'est même un peu trop facile, on va dire. Ah, c'est devenu plus tendance. C'est ça. Voilà. Et de fait que ma collègue venait de se faire opérer aussi. C'est un bypass, donc c'est un peu... Ça se rapproche de la sleeve. Hein. Et elle me disait, fais-le. Et moi, non, j'étais convaincue que c'était la solution de facilité, que je pourrais faire sans et que j'y arriverais. Au début, tu te l'as refusé? Oui. D'accord. Donc, avec mon médecin, on a convenu que j'essaie de perdre du poids et voir sur un an l'année dont on a besoin pour le programme de sleeve. J'ai pas perdu de poids. J'ai pris du poids. Ok, t'as continué d'en prendre. J'ai continué d'en prendre. Alors que j'étais suivie par une psy, une diète aussi. Mais j'avais pas encore trouvé cet équilibre interne, en fait, et psychologique aussi, je crois. Oui. C'est important, tout est lié de toute façon. Donc, j'ai décidé que oui, il fallait que je me fasse opérer. Et puis, visiblement, j'étais une bonne candidate à l'opération. Donc, je me suis fait opérer au novembre 2017. Avant l'opération, quand tu as atteint ce poids maximum, 225 kilos, comment tu te sentais là dans ton corps? J'avais une image de moi qui était très négative. Physiquement, il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Où j'avais du mal à faire, comme faire mes lacets. Voilà, faire mes lacets, c'était compliqué. J'étais en sueur. Donc je me suis dit, c'est pas normal d'être en sueur pour un acte quotidien. Quand j'habillais mes enfants, pareil, j'étais en sueur. Et en fait, j'ai eu un petit flash qui m'est venu comme ça. Et je me suis dit, en fait, tu vas un jour arriver à l'école, tu vas emmener tes enfants. Et en fait, leur maman, elle arrivera à peine à marcher parce que... Parce qu'elle aura trop de poids et peut-être que tu vas mourir, en fait. C'était quoi la peur de te dire que tu allais peut-être un jour mourir à cause de ton poids et de laisser tes enfants comme ça? Voilà, c'est ça. Et puis, je voulais pas que les enfants se moquent de mes enfants aussi. Tu as vécu cette moquerie une grosse partie, toute ton enfance et ton adolescence. C'est ça. Pour toi, c'était hors de question, du coup, d'imaginer ça. Voilà, donc il y avait les deux facteurs qui voilà. Et puis pendant l'année de préparation à l'opération, on nous demande de nous prendre en photo. Donc ça, c'était très très dur. C'était très très dur. C'était mon conjoint qui me prenait en photo et il fallait que je regarde les photos. Et je ne me reconnaissais pas. C'était pas toi ? Non. Non, c'était l'autre encore. C'était pas moi. Donc ça, c'était très dur. Ouais, c'est pas évident de devoir se confronter à son image. Et souvent, on a un peu... l'image de soi-même dans sa tête qui est un peu déformée, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on voit dans le miroir et ce qu'on perçoit de nous-mêmes, des fois, il y a un petit décalage entre la réalité. Et c'est vrai que pour ça, souvent, les photos sont compliquées. On a un peu déjà tous connu le truc où on se voit en photo et puis on se dit « j'avais cette tête-là ce jour-là » Alors, sans être dans les extrêmes, mais effectivement, je pense que les photos, des fois, sont un bon moyen de se dire « ah oui, effectivement, aujourd'hui, j'en suis là », alors que ce soit pour le poids, pour certaines choses, mais... C'est toujours très parlant, les photos, en tout cas. C'est parlant, ouais. Voilà. Donc, tu as fait ton année de bilan pour la sleeve. Tu étais OK pour pouvoir... Enfin, éligible, du coup, à l'opération. Comment ça se passe un peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors, la sleeve, ils vont, pendant l'intervention, couper une partie de l'estomac. C'est irréversible. C'est-à-dire que... ils enlèvent vraiment une partie de l'estomac. C'est pas comme le bypass où ils font une dérivation et où on peut toujours repasser, refaire une sleeve si ça marche pas. Moi, je devais, des deux opérations, c'est la sleeve qui a été choisie pour moi parce que j'ai un traitement thyroïdien. Et du coup, l'assimilation est plus compliquée par un bypass. Donc, voilà, ça s'est fait très rapidement. Hein. Je sais même plus en combien de temps... J'étais sur la table d'opération, mais je suis sortie le lendemain de l'opération. D'accord. Comment ça se passe les premiers jours ? C'est difficile. Bon, alors, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de manger. Parce qu'avant, tu avais tout le temps faim, tout le temps envie de manger ? Tout le temps envie de manger. C'était pas de la faim ? Non. Maintenant, j'arrive à faire la différence. Ce n'était pas de la faim, j'avais envie de manger. Et je n'avais pas de satiété. Je n'avais pas la sensation de satiété, c'est-à-dire que je pouvais manger une brioche entière. Alors que du coup, là, avec l'opération, tous ces signaux sont revenus. C'est ça. La satiété, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu jusqu'à mon opération. Donc c'est déroutant un peu. Ça t'a fait quoi la première fois que tu as ressenti ça ? Eh ben, oui. En fait, je me suis dit d'un coup, mince, j'ai plus faim. Donc, d'une part, je ne peux pas continuer à manger, parce que de toute façon, je ne peux pas physiologiquement manger, mais je n'ai plus faim. Donc, ça m'a surprise, mais en même temps, ça m'a soulagée. C'était rassurant pour toi ? C'était rassurant d'avoir cette sensation-là que je connaissais pas. Je me suis dit, ah, c'est ça, en fait. C'est ça, la satiété dont tout le monde me parle depuis toujours, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, j'ai réussi à la palper, en fait. Les premiers jours, en termes d'alimentation, qu'est-ce que t'as mangé ? Ça se passait comment ? Raconte-nous un petit peu. C'était très difficile. C'était de la compote, des choses plutôt même liquides, hein, au début. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce qu'il faut aussi qu'on vous dise, c'est que dès que l'opération vient de se faire, la personne doit manger en toute petite quantité. Pour vous schématiser un peu les choses, à peu près le contenu de votre aliment, enfin de votre repas, doit tenir dans la taille d'un gros pot de yaourt. Donc, sinon, si vous forcez, en fait, on prend le risque de redilater l'estomac et que, en fait, l'estomac reprenne sa taille initiale. Donc, effectivement, les premiers jours peuvent être un peu déroutants. C'est ça. Bon, après, on n'a pas. Enfin, moi, je n'avais pas faim, donc ça m'a pas. Je me sentais pas frustrée finalement. Et puis après, s'installe vite. Voilà, les petit à petit, la nourriture hachée, enfin moulinée, les purées, et puis les compléments alimentaires qu'on doit prendre, qu'on est obligé de prendre, puisqu'on est carencé, beaucoup carencé. Moi, les compléments, j'ai jamais réussi à les prendre plus de 2 semaines, parce qu'en fait, ça me faisait vomir. Dès que je les prenais, j'ai tenté toutes les formes, hein, à croquer, à avaler, enfin, je les supporte pas. Donc, je n'ai pas de compléments alimentaires. Et du coup, j'ai quand même des carences en protéines, tout ça, fer. Mais je suis suivie pour ça, donc... Oui, t'es surveillée régulièrement. Voilà. Donc après, tout ce qui était mouliné, tout ça, tu retrouves petit à petit une alimentation normale. Comment ça se passe au niveau... T'avais des règles à mettre en place ? Alors oui, j'avais des règles à mettre en place. Donc pas de produits sucrés, pas de sucre ajouté dans les yaourts, compote sans sucre, pour pas que notre... organisme, en gros, reconnaisse un peu le sucre et qu'il ait envie d'y retourner, quoi. Parce que c'est quand même plus facile de manger du sucre quand on est un peu gourmand que le reste. Et ça passe mieux. Et sous forme d'aliments, le Nutella va passer beaucoup plus vite qu'un morceau de viande, par exemple. Donc, voilà, pas de produits gazeux non plus. Ça, c'est interdit. Tout à vie. À vie. Pas boire pendant les repas. Donc ça, pour quelqu'un qui ne boit pas beaucoup, déjà, c'est compliqué. Moi, je ne bois pas beaucoup. Donc, faut s'y tenir, quoi. Et puis, faire au mieux une alimentation équilibrée. Oui, donc même si effectivement il y a l'opération, il y a l'estomac qui est réduit, il y a ce besoin quand même du corps de retrouver une alimentation équilibrée. Voilà. C'est, en fait, l'opération, c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce, ça nous aide. Mais tout le travail après, quand, une fois qu'on a perdu, parce qu'on se dit, ah, c'est simple, on perd tous les jours, toutes les semaines. Et en termes de quantité de poids, c'est vraiment déroutant parce que ça peut être 20 kilos en 3 mois. Toi, tes pertes de poids, ça donnait quoi à peu près, tu te rappelles? Non, moi, j'ai perdu pas si vite que ça, finalement. Je pense qu'il y a 5 ans, donc ça faisait... ça faisait 2 ans. Ouais, il y a 5 ans, ça faisait 2 ans, exactement. Ça faisait 2 ans. Oui, je devais avoir perdu 40 kilos à peu près. 40-50 kilos. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui est bien. Mais c'était... D'après le chirurgien, ils font une évaluation de combien on va perdre. Et clairement, il le dit, hein, que les derniers kilos, c'est à nous de jouer. C'est pas cadeau, quoi. Oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est le coup de pouce. Toi, après, t'as toutes les cartes en main et c'est à toi aussi de faire ce qu'il faut pour... C'est ça. Donc, ça a bien fonctionné. Après, c'est vrai que c'est une opération qui nous aide physiquement. Psychologiquement, c'est pas le cas. C'est-à-dire ? Si on n'est pas suivi, je pense, à côté, on peut vite retomber dans le mal manger... un petit peu les grignotages, tout ça. Suivi psychologiquement, du coup ? J'étais suivie au début, oui. Psychologiquement, je suis restée suivie un petit peu de moi pour ce que je voulais comprendre aussi et me dire que c'est bien d'être opérée, mais j'avais pas envie de reprendre après. C'était pas le but et puis c'est quand même une opération lourde. Et du coup, à ce moment-là, quand tu disais là, du coup, il y avait des choses qu'il fallait faire attention et être suivie, c'était sur le plan du coup diététique ? Oui, sur le plan diététique et puis sur le plan psychologique. Tous les plans, en fait, il faut vraiment, même une fois l'opération passée, selon toi, en tout cas, selon c'est tes conseils. Je pense que c'est important. Parce que diététiquement, c'est bien, parce qu'on réapprend à manger, finalement. Et c'est bien d'être suivi par un professionnel qui nous dit, oui, là, tu fais bien, là, attention, là, voilà. Et psychologiquement, c'était bien aussi, parce que moi, elle m'a aussi un peu forcée, entre guillemets, à me prendre en photo pour voir, à l'inverse, l'évolution de ma perte de poids. C'était difficile aussi. Ça a été dur de voir cette nouvelle image de toi ? Oui, c'était toujours pas moi, en fait. Je me reconnaissais toujours pas. Malgré la perte de poids ? Oui. Comment ça se fait ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Mais parce que je pense que je me suis jamais réellement regardée, en fait. Même en étant enfant, je ne me suis jamais attardée devant les miroirs, Je n'ai jamais vraiment examiné un peu comment j'étais. Et... Depuis que tu étais toute petite, on t'a toujours fait des, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais des critiques sur ton corps. C'est ça. Jamais ton corps a été mis en avant, jamais non. Il a été valorisé. Donc ça a pu être aussi hyper compliqué pour toi d'avoir un rapport à ton corps qui a été sain au moins une fois dans ta vie, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, encore une fois, je le voyais avec les vêtements, quoi. Ok. Avec les vêtements, ça allait ? Parce que du coup, vu que t'as perdu pas mal de poids, t'as rechangé de taille de vêtements, tu pouvais t'habiller plus facilement. Mais oui, ça, c'était vraiment bien. Et encore, ça me satisfaisait pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai réalisé que mon corps avait changé. Je pense que c'est quand je suis allée dans un magasin parce que je détestais faire les boutiques, évidemment. Puisque rien ne m'allait. Et là, je suis allée dans ce magasin où le 40 était trop grand. Donc, j'ai moi quand même... Et après, le 38 était trop grand aussi. Ça, c'était récent. Ouais, et ça, c'était récent. Mais ça, c'était après vous. On en reparlera après. Ouais. Donc, tu perds ces 40 et quelques kilos. Ouais. À ce moment-là, donc ça se fait avec le temps, du coup ? Oui, je pense que ça s'est fait entre 2017 et 2021. 2020, je ne sais plus trop. Après, j'ai stagné pas mal de temps. Et tu étais à peu près autour de... Est-ce que tu saurais dire un poids à peu près à ce moment-là ? Il me semble que le poids le plus bas, parce que j'ai repris après, le plus bas que j'ai fait, il me semble que c'était 67. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as repris ? J'ai repris... Alors, si, je sais pourquoi j'ai repris. J'ai repris parce que j'ai commencé à travailler de nuit. J'avais repris peut-être un petit peu avant. On ne va pas tout... mettre sur le dos du travail de nuit, mais j'ai eu du mal à établir un plan alimentaire pour la nuit. C'était compliqué et le problème c'est que moi quand je suis fatiguée j'ai tendance aussi à manger donc là je prenais pas le temps de me préparer les choses donc je grignotais en fait, je recommençais à grignoter. Le rythme est complètement différent voilà. Entre ton rythme que t'avais pris sur la journée et le rythme de nuit, c'est quand même un changement, faut pouvoir l'adapter et le gérer aussi dans le quotidien quoi. C'est compliqué et puis en parallèle de ça, moi j'ai eu des échos de mes anciennes collègues qui me disait que la fameuse collègue qui s'était fait opérer un an avant moi avait repris tout son poids perdu. Oui, parce que c'est pareil, il faut qu'on le dise aussi, c'est que le poids que vous perdez en faisant une chirurgie bariatrique n'est pas définitif. C'est ça. Le corps peut reprendre, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'estomac du coup est très réduit à la sortie de l'opération. Et en fait, l'estomac peut totalement se redilater et retrouver la taille initiale, voire être même encore un volume un peu plus gros que ce qu'on avait avant l'opération. Donc effectivement, chez certaines personnes, on a des reprises de poids. Du coup, ça a été compliqué pour toi de voir que ta collègue avait repris du coup. Oui, je me suis dit, en quelques secondes, je me suis dit, oulala, elle s'est fait opérer un an avant moi. Ça veut dire que moi, il me reste un an avant de reprendre. Moi, je veux pas de ça. Hein. Enfin, clairement, elle a repris, 70-80 kilos. Moi, je voyais pas l'intérêt d'avoir fait ça, tout ça pour rien. Parce que mine de rien, c'est pas si facile, hein, parce que les gens ont tendance à dire, tu t'es fait opérer, c'est facile pour toi. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors effectivement, comme tu dis, c'est un coup de pouce, mais faut pas. Enfin, c'est pas parce qu'il y a opération que c'est déjà garanti qu'on va y avoir de la perte de poids et que ça tienne. Pour toi, c'est quand même des efforts au quotidien et des règles sur lesquelles il fallait que tu t'astreignes très sérieusement pour pouvoir avoir une perte de poids qui soit par la suite durable. Donc oui, effectivement, non, c'est pas si facile que ça. Et puis, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que faut pas oublier que lorsqu'il y a une chirurgie bariatrique, le corps change aussi. C'est ça. Toi, comment ton corps a changé là-dessus ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai été suivie à Chinon. Et à Chinon, ils ont une couturière qui fait une combinaison avant l'opération. Une combinaison qui ressemble un peu à des bas de contention, en fait. Mais là, c'est une combinaison pour tout le corps, donc avec des manchons, tout ça, afin de tenir bien les tissus, de les raffermir avant l'opération. J'ai jamais entendu ça, c'est super. C'est super. Et après, post-op, en post-opération, c'est une combinaison qu'on doit aussi porter afin de raffermir tout ça et que ça tombe pas. Et moi, j'ai quand même de la chance parce que je trouve que malgré tout le poids que j'ai perdu, ça prend pas de partout, donc c'est quand même pas si mal. Du coup, t'as pas eu besoin de faire d'opération à la suite de ta perte de poids? Non. C'est vrai que beaucoup de personnes qui perdent pas mal de poids, et en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement une perte qui est rapide. Alors, c'est aussi peut-être ton avantage aussi, c'est que t'as perdu rapidement, proportionnellement à une perte naturelle. Mais du coup, vu que tu as perdu quand même dans le temps, c'est peut-être ça. Que ça t'a aidé aussi. Oui. En fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une perte de poids, dès qu'elle est rapide, en fait, le corps n'a pas le temps de suivre en termes d'élasticité au niveau de la peau. Et on peut vite avoir un peu ce cliché de la personne qui perd beaucoup de poids et comme tu dis, qui a la peau qui pend de partout. C'est ça. Parce qu'effectivement, ça peut autant au niveau des bras que du ventre, que des cuisses. Enfin, voilà, le corps, en général, se relâche et l'élasticité ne suit pas au niveau de la peau. Le corps change, mais toi, t'as quand même réussi à ce moment-là à avoir un rapport à ton corps qui était plutôt quand même positif, malgré que ton corps changeait. Oui. Oui, je me sentais mieux, même dans ma façon de bouger aussi. Tu pourrais faire tes lacets sans avoir une suée. C'est ça. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Du coup, voilà, c'est pour ça que plutôt que d'attendre de retomber dans quelque chose que j'arrivais plus à, comment dire, à gérer. T'avais peur de perdre le contrôle? J'avais peur de perdre le contrôle. J'avais peur de me dire, bon, c'est pas grave, je verrai ça la semaine prochaine. Parce qu'on se dit tout ça à un moment donné, on verra ça la semaine prochaine. C'est pour ça que du coup, j'ai pris rendez-vous avec toi. Parce que là, j'avais besoin d'aide. Je me suis dit, je sais comment on mange équilibré, je le sais. Mais j'ai besoin qu'on m'aide au moins pour le travail de nuit, parce que je n'arrive pas à gérer tout. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue là. T'étais remontée à combien? On avait dit 67 au plus bas avec la sleeve. 67, après j'étais remontée un petit peu, après je suis redescendue, et il me semble que quand je suis venue te voir, j'étais à 68, 69. Ouais, ça doit être ça. 69, voilà. en septembre l'année dernière. Donc ouais, donc 68 kilos du coup, donc à la baisse pour pouvoir rééquilibrer la nuit. C'est ça. Je te laisse raconter ce qu'on a mis en place, comment ça s'est passé. Bah, ça s'est plutôt bien passé. J'avais un peu peur parce que ma première expérience diététique n'étant pas concluante quand j'étais enfant, c'est vrai que j'avais pas forcément un bon souvenir. Après, moi, j'ai été quand même plutôt rassurée parce que ma belle-mère vient également te voir. Donc, elle m'a dit « va voir Émilie ». Et puis, on a établi voilà, un plan pour, dans un premier temps, voir si ça allait fonctionner comme c'était prévu. À savoir que moi, je dois manger aussi en fractionné. Donc, je fais de l'opération, je dois manger en fractionné. Donc, un peu plus régulièrement que quelqu'un qui n'est pas opéré. Mais du coup, avec des plus petits volumes. Du coup, vu que Stéphanie, elle peut pas manger des grosses quantités, pour quand même couvrir les apports du corps. Parce que même si il y a la sleeve et qu'on a des capacités limitées, Stéphanie a quand même besoin de ses apports caloriques journaliers pour avoir l'énergie dont elle a besoin. Et notamment éviter les carences, comme on le disait tout à l'heure. C'est ça. Donc ouais, le fractionnement. Sachant qu'en plus l'opération, c'est là aussi où je voulais en venir, c'est pas facile parce qu'il y a des aliments que je n'arrive plus à manger aussi. Ça, je l'ai pas dit. Qu'est-ce que tu n'arrives plus à manger ? Bah, les viandes rouges, où c'est compliqué pour moi. Déjà, je n'ai plus d'attrait pour la viande rouge alors qu'avant j'adorais ça. Là, c'est quelque chose qui me dégoûte un petit peu. Donc, bon, c'est vrai qu'il a fallu un petit peu compenser là-dessus. Il y a plein de choses, plein d'aliments comme ça qu'on n'arrive plus à manger ou alors qu'on aimait avant et qu'on n'aime plus maintenant. Et c'est curieux comme c'est fait un petit peu, mais... Oui, le corps change et puis... C'est ça. Oui, il y a eu un avant, un après. Voilà, en fait, j'ai l'impression d'être vraiment deux personnes différentes, du coup, donc... Et du coup, oui, le plan d'Émilie, très bien, ça s'est très bien passé. J'ai même pas l'impression de réfléchir. Ça se fait automatique maintenant. Voilà. Je fais mes menus, je me prends moins la tête parce qu'avant, c'était quand même c'était omniprésent, hein, la nourriture chez moi. Je pensais qu'à ça tout le temps. Maintenant, non. Je ne réfléchis pas et quand je regarde mon assiette, je vois qu'elle est équilibrée en fait. Maintenant, tu arrives à manger de nuit, ça a pu te guider du coup déjà oui. À ce moment-là. Voilà. Parce que vu que c'était ta première vraiment requête. C'est ça. Maintenant, j'ai établi mes menus. Enfin, je mange. C'est un peu compliqué vu mon rythme, mais oui, je sais quand je dois manger la nuit, quand je ne dois pas manger la nuit. Le petit-déj, il faut le prendre, pas l'oublier. T'as retrouvé un équilibre. Ouais. Du coup, il y a eu une perte de poids. Je saurais même pas dire parce que en fait, j'avais un objectif d'arriver à 64. Finalement, je suis arrivée à 57 sans forcément... Non, parce qu'en fait, on avait décidé de s'arrêter effectivement à 64. Oui. Et en fait, au fur et à mesure des rendez-vous, le poids continue de descendre sans effort de ta part supplémentaire, à part juste avoir ton alimentation équilibrée. C'est ça. Ton poids s'est stabilisé entre 57 et 58. Oui, 57-58. Et là, aujourd'hui, t'es stable. Oui, 57-58. Oui, aujourd'hui, je suis stable. J'arrive à introduire des petits plaisirs qui passe complètement inaperçu finalement dans mon alimentation puisque je continue à manger équilibré le repas d'après. Donc voilà, je me prends pas du tout la tête. Ça fait du bien. Tu m'étonnes. Ça fait vraiment du bien et je pense que cette fois, j'avancerai pas que c'est gagné et que parce que les problèmes de poids ça reste pathologique hein, quand même. Mais je pense que quand on a réussi à trouver un équilibre dans sa tête et dans son corps. C'est déjà un petit peu gagné quand même. Là, aujourd'hui, il n'y a qu'une Stéphanie dans l'image, ouais. Dans l'image de toi. Ouais, ouais, ouais. Bah, maintenant, ouais, j'arrive même à ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps, à envoyer une photo de moi en maillot de bain à une copine, alors que je ne l'aurais pas fait avant, quoi. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais, ça fait du bien. Après, c'est vrai que les gens complimentent beaucoup et que moi, je suis un petit peu... Je comprends pas pourquoi on me félicite comme ça, donc c'est vrai que je suis un peu ma pudeur, quoi, mais... Bien sûr. Toi, t'as du mal à te dire, ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Alors, je me dis pas... Oui, je me dis pas c'est bien ce que t'as fait, mais je me dis, il fallait que tu le fasses. Il fallait que tu le fasses parce que je pense que je serais peut-être pas là, maintenant. Parce que, oui, c'était vraiment... J'étais en obésité morbide... Je pense que j'aurais pas tenu des années, quoi. Quand tu disais ouais, que du coup les gens vont être félicités, toi, c'est parce que c'est ce côté santé qui a primé dessus et Oui. Tu l'as fait pour ta santé, en voilà. fait, et pas pour ce côté... Je l'ai pas fait pour mon physique. Ouais. Je l'ai fait pour ma santé. Et je pense que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Je le fais pas parce que je me considérais pas, en fait. Donc, j'arrivais pas à dire si je m'aimais bien ou si je m'aimais pas, mais je m'en fichais un peu. Mais je l'ai fait plus pour ma santé et pour être toujours là, quoi. Raconte-nous le début de ce que tu as raconté tout à l'heure. Cet essayage où tu as essayé dans un premier temps un 40. Oui, j'ai essayé un 40. La vendeuse, elle était déjà pas très... Elle me dit « Non, non, pour moi, vous faites pas un 40 ». Je dis « Si, si ». Donc, elle m'amène un 40 quand même. Bon, beaucoup, beaucoup trop grand. Moi, je me dis « Bon, il taille sûrement grand, là-bas ». Donc, elle m'amène un 38. Beaucoup trop grand. J'ai dit, c'est pas possible, je fais pas un 36. Donc, j'arrivais pas à admettre que je faisais un 36. Elle m'a dit, essayez quand même. Bon, je suis rentrée dans le 36 et je me suis dit, ah ouais. Bon, j'ai acheté le pantalon. Bon, je mettrai pas, mais je l'ai acheté juste parce que... Pourquoi tu le mettrais pas? Parce que j'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais voilà, c'est mon pantalon 36, quoi. T'es rentrée dans un 36. Ouais. Donc, mais là, mon pantalon, c'est un 36 aussi, hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Donc là, je refais toute ma garde-robe parce que j'ai plus rien à porter. Mais c'est chouette. J'aime bien. Du coup, je m'achète beaucoup, beaucoup de vêtements. Tu reprends plaisir, du coup, à t'habiller. Oui. Aussi. Voilà. Toi qui n'as jamais trop aimé faire les magasins. C'est ça. Des chaussures aussi, parce qu'à savoir que j'ai perdu une pointure de chaussures. Ah oui, ça fait souvent rire les gens. Mais oui. Voilà. On ne me croyait pas, mais si, je suis passée d'un 38 à un 37. Donc, je refais toutes mes chaussures aussi. Mais ça me va, hein, ça me plaît. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais que tu me dises à quel moment, du coup, ton corps t'a-t-il fait le plus souffrir et quelque chose de positif aujourd'hui sur ton corps. Je pense que mon corps m'a fait le plus souffrir au moment où j'ai réalisé que je ne pouvais pas perdre de poids toute seule sans l'intervention chirurgicale. Ça a été dur. Ça a été dur. Okay. Ouais, ça a été dur. Quelque chose de positif, bah maintenant en fait, maintenant je suis libérée, je me sens libérée de cette charge et tout me paraît si simple. Alors qu'avant j'enviais justement les gens qui trouvaient ça simple de manger équilibré. Moi ça, je trouvais que c'était un casse-tête, maintenant pas du tout. Et puis voilà, c'est établi dans la famille. Maintenant, enfin, je faisais manger déjà équilibré à mes enfants, mangeaient déjà équilibré, ma famille aussi. Mais maintenant, voilà, c'est ancré, c'est que maintenant, ils le savent qu'il y a forcément un légume, un féculent, une protéine. Ils savent, les petits-déj ont changé, tout a changé et c'est bien pour tout le monde. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, du coup, tu as trouvé ton équilibre et ce qui te convient vraiment à toi et pas juste la théorie qu'on connaît tous. C'est ça. C'est aussi l'équilibre qui était propre et c'est important en fait de le trouver. Oui. Même si il y a des grandes lignes en termes d'alimentation, il faut que chacun trouve son propre équilibre et les habitudes qui nous conviennent en fait, les produits références dont on a besoin et toutes ces choses-là. C'est ça. Merci à Stéphanie de nous avoir partagé ton histoire aujourd'hui. T'as eu un parcours difficile du coup avec ton corps, mais aujourd'hui du coup t'as retrouvé ton équilibre et je te félicite pour ce long parcours. C'est quand même une première bataille de gagner, comme tu disais, on sait pas s'il y en aura d'autres et je te souhaite de pas en avoir d'autres, mais en tout cas cette bataille, bravo. Merci. En tout cas, profite de toutes ces années avec ton corps comme il l'est aujourd'hui et dans lequel tu te sens bien. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez témoigner ou échanger sur cet épisode, on se retrouve sur Instagram, sur la page Raconte-moi ton poids. Je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages et en attendant, soyez libre de votre poids.